Fuck ces clones, fuck le tiktokage. De 60 y'a pas de pilotage. Maman, je t'aime. T'as envie d'appeler ta mère comme lors d'une prise d'otage. J'suis ton dodo que résiste pas. Tu me parles mais je n'existe pas. Dépressif comme tous les pistoles. Les Rolling Stones t'en as pas marre. Marcher sur leur triste pas. Regardez, c'est tout des corps sans âme, moutons par centaines. Écris tous qu'ils ont pas besoin d'aide, qu'ils ont pas besoin de toi. Nous deux, t'écris dans la folie, donc on a pas besoin de thème. Dans la victoire, on t'applaudit, la moindre occasion t'appauvrit. Quand t'es maudit, bah t'es personne. Quand t'es personne, bah tu crèves seul dans un taudis. J'suis toujours là, lorsque tu dors, lorsque tu manges, lorsque tu pleures. Ne vois-tu pas qu'ils nous veulent que du tort. Saliront c'est tes forces et traite, bien sûr qu'ils riront si tu meurs. Et j'crois que j't'ai assez menti, qu'avec l'enfer, là c'est l'entrée. Toi tu crois assez en qui sur un parcours accidenté. C'est nous la guerre, la résistance, faut que l'être humain son existence. Puis tout se trace, mais tout se casse, alors t'encaisses, quelle évidence. Ils aiment voir le sang couler quand c'est pas l'heure. N'apprécient rien quand c'est pas glore. Une jalousie dans haut-parleur, parle quand mal sur toi, tant t'es pas mort. Si t'attends la bouée, t'as le temps de couler. Tout en ligne droite, y'a pas le temps de tourner. J'suis pas ton frère, garde tes plans pourris. J'suis sur un coup, j't'appelle quand j'pourrais. Observe-les tous, regarde ce qu'ils revendiquent. Les uns contre les autres, c'était placé dans le titre, c'était placé dans le script. Tous à l'identique, l'homme est un loup pour l'homme depuis la Rome antique. Vas-y, t'es mal, tous ces bouffons. Vas-y, dis-moi que t'as pas le seul. Y'a quoi péter tous ces boulons. Mais moi, j'suis là quand tu parles seul. Alors, nous fume ce que nous pouvons. Qu'est-ce qui brille si c'est pas le seul? Y'a que roses noires qui s'y pousseront. Proche de cercueil ou de linceul.